Chapitre 10. Réciprocité. La pensée de sa lampe de poche s'offrit à Lagnard, et aussitôt le jet lumineux lui montra son ex-antagoniste. L'homme était tombé sur le flanc, les jambes étalées, et ne remuait plus. Il avait le visage trois quarts tourné vers le sol et en outre masqué. Par méfiance, Lagnard poussa le corps du pied, tout en tenant son arme braquée sur lui, comme s'il s'attendait à le voir se relever et bondir. Mais il ne donna pas signe de vie. Avec un hochement de tête satisfait, il fit tourner le jet de lumière jusqu'à ce qu'il rencontrât la plus proche ampoule électrique. Comme il l'avait prévu, celle-ci avait été éteinte par la manette de douille, tandis que le verre encore chaud montrait que le courant avait été coupé un instant seulement avant son arrivée. L'électricité rallumée, il s'approcha du bandit, s'agenouilla et, soulevant le corps, le retourna sur le dos. Cette manœuvre lui permit de le reconnaître. La face masquée levée vers la lumière était celle de M. Smith, l'Américain qui avait fait le quatrième dans le concert de la meute. Dénouant bien vite les cordons du masque, Lagnard l'enleva, mais le visage ainsi exposé ne lui apprenait rien de plus. Il aurait juré ne l'avoir jamais vu. Malgré cela, un quelque chose dans ses traits persistait à solliciter sa mémoire, comme à leur première rencontre, mais avec aussi peu de succès. Déjà, l'Américain reprenait peu à peu conscience. Ses lèvres et ses sourcils tressaillaient sporadiquement. Il frissonna et ses muscles contractés se réassouplirent. À cette occasion, quelque chose tomba entre les doigts de sa main droite, un objet petit et brillant comme de l'argent, qui attira le regard de Lagnard. Il le ramassa et examina avec intérêt une petite seringue hypodermique chargée dans toute la longueur de son cylindre de verre, le piston levé, toute prête à servir. C'était l'aiguille de cet instrument qui avait piqué la peau de Lagnard. Sans aucun doute, cela contenait une dose soporifique, sinon mortelle, d'un poison stupéfiant, de la cocaïne peut-être. Il semblait donc que cet agent de la meute eût été délégué pour réduire le loup solitaire au sommeil pendant une heure ou deux au moins, sinon à jamais, afin de se débarrasser de lui le temps suffisant pour exécuter leurs ténébreuses entreprises. Il eut un sourire amer en tripotant la seringue et considéra l'homme étendu. La réciprocité, songea-t-il, est, dit-on, de bonne guerre. Eh bien, pourquoi pas? Il se pencha, enfonça l'aiguille dans le poignet de l'Américain et poussa le piston à fond de course, le tout d'un geste si prompt et si sûr que le poison fut injecté avant que la douleur pût tirer la victime de son coma. D'ailleurs, l'homme revint à lui assez vite, mais il ne recouvra sa lucidité que pour sentir le canon d'un revolver lui imprimer un cercle froid sur la tempe. « Ne faites pas un mouvement, mon cher monsieur Smith, » ordonna Lagnard. « Ne parlez qu'à voix basse. Laissez agir la bonne drogue. Il n'y faudra qu'un instant, ou bien nous sommes, moi mauvais juge, et vous un maladroit exécuteur des hautes œuvres. J'aimerais savoir, pourtant, si cela vous est égal. » Mais l'injection faisait son effet. Le regard de détresse qui avait empli les yeux de l'Américain, à mesure qu'il comprenait mieux sa situation, s'obnubilait déjà, s'effaçait, se fondait en une expression de vague hébétude. Les paupières battirent et s'immobilisèrent. Les lèvres remuèrent comme pour parler, mais nul son n'en sortit. Un long soupir convulsif agita le corps de l'Américain et il s'immobilisa. On l'eût cru mort sans les lentes et régulières oscillations de sa poitrine. Devant cette succession de phénomènes, Lagnard resta pensif. « Elle tape sérieusement cette drogue, » se dit-il. « Heureux qu'elle ne m'ait pas attrapé avant que je n'ai su de quoi il retourner. Si j'avais même soupçonné son énergie, peut-être me serais-je un peu moins pressé. J'aurais aimé tirer quelques informations de monsieur l'inconnu mystérieux ici présent. » Tout à coup, se sentant la gorge sèche et brûlante, il se leva et, allant au lavabo, il but un long trait à la carafe. Après quoi, il s'occupa à remettre de l'ordre dans ses pensées et à se demander ce qu'il convenait de faire. Ainsi absorbé, il s'approcha d'une chaise sur le dos de laquelle était jeté un léger kimono de soie lit de vin qu'il avait l'habitude d'emporter en voyage à cause du peu de place que cela tenait. Lagnard l'avait laissé étaler sur le lit et il se demandait subconsciemment ce que cet homme avait bien pu en faire pour qu'il se fût donné la peine de le déposer sur cette chaise. Mélanière n'eut pas plutôt saisi le vêtement qu'il le laissa tomber dans sa surprise de le trouver appesanti, imprégné d'un liquide visqueux. Dans un rapide éclair d'intuition, il examina ses doigts et les vit teintés de rose pâle. Le tissu déteignait-il? Et pourquoi cet Américain avait-il trempé le vêtement dans l'eau? Mais l'aspect d'un objet sur le parquet auprès de son pied arrêta le regard inquisiteur de Lagnard. Il ouvrit ses yeux incrédules, fit un pas en avant, se pencha et ramassa la chose, la prenant du bout des doigts avec répugnance. C'était l'un de ses rasoirs, une lourde lame, et il était plein de sang. Avec un cri étouffé, envahi d'une terrible compréhension, Lagnard fit volte-face et regarda avec crainte la porte donnant sur la chambre de Roddy. Elle était entr'ouverte de 3 ou 4 centimètres et on en avait fait sauter la serrure à l'aide d'une petite mais très robuste pince Monseigneur qui gisait sur le seuil. Au-delà de la porte, l'obscurité, le silence. Rassemblant tout son courage, l'aventurier s'avança résolument dans la pièce voisine. Le premier éclair de sa lampe de poche lui montra la réalisation affreuse de ses plus terribles craintes. Il comprenait maintenant à quelle fin son kimono avait été réquisitionné pour protéger les vêtements d'un boucher. Au bout d'une minute, il s'en retourna, ferma la porte et s'y adossa comme pour interdire l'accès de cet odieux charnier. Il était très pâle, le visage bouleversé d'horreur, et il tremblait de dégoût. L'infâme complot était évident, puisque Roddy s'avérait un danger pour la meute et qu'il devenait urgent de l'éliminer, son assassinat avait été combiné de telle sorte que la responsabilité en retombait sur Lagnard. D'où la tentative pour le droguer, afin qu'il ne pût échapper avant la venue de la police qui le trouverait là. Il ne doutait plus que De Morbihan ne fût resté en arrière du cercle des Amis de l'Humanité, à seule fin de le retenir, au besoin, et de laisser à Smith le soin d'achever sa tâche hideuse et de tendre le piège à sa seconde victime. Et le complot avait réussi, en dépit de son échec partiel, en dépit de la chance adverse et de la ruse que Lagnard avait opposée à l'envoyé de la meute. C'était son propre kimono qui était saturé du sang de Roddy, tout comme ses gants, extraits de sa valise, qui avaient en partie protégé les mains du meurtrier et que Lagnard avait trouvé dans la chambre voisine, défait en hâte et jeté sur le parquet, deux petits tampons froissés de peau de chamois teintés de sang. Il ne lui restait plus guère de choix. Il lui fallait ou bien fuir de Paris et chercher le salut dans son ingéniosité, ou bien aller trouver De Morbihan et solliciter sa protection, cette influence en haut lieu dont il se vantait. Mais se livrer entre ses mains, devenir l'associé d'un homme capable de participer à un crime aussi odieux que celui-ci, Lagnard préférait la guillotine. Il consulta sa montre et vit qu'il était seulement 4h30, tant les événements s'étaient succédés avec rapidité depuis l'incident de la somnambule. Ceci laissait à sa disposition 2 bonnes heures encore d'obscurité. Les nuits de novembre sont longues et noires à Paris. Il ferait à peine un peu plus clair à 7h. Mais ce n'était pas un répit trop long pour le besoin de Lagnard. Il lui fallait même passer rapidement à l'action immédiate s'il voulait se tirer d'affaire à l'insu de la meute et sans son consentement. Donc, avant tout, fuir ce terrain funeste de Paris. Mais comment? De Morbihan avait affirmé que les séides de Popinot gardaient tout issu, et Lagnard n'en doutait pas. Une tentative pour s'évader de la ville par les moyens ordinaires provoquerait ou bien une dénonciation à la police pour cause de meurtre, ou bien une de ces formes d'assassinat fatalement expéditives en quoi les Apaches sont passés maîtres. Il devait et il voulait trouver un autre moyen. Mais sa décision était terriblement empêchée par le manque d'argent comptant, les quelques francs qui lui restaient en poche étant loin de constituer le trésor de guerre exigé par la circonstance. À vrai dire, il avait les bijoux Humbert, mais ils n'étaient pas négociables, du moins pas à Paris. Et les plans Huissement? Il réfléchit rapidement à ce que représentaient pour lui les plans Huissement. Comme il marchait de long en large dans son agitation, à chaque tour, il passait devant sa table de toilette et lui étant arrivé une fois de se regarder dans le miroir, il s'arrêta court, sidéré par quelque chose qu'il croyait voir dans sa physionomie bouleversée, appesantie de fatigue et égarée par la vision de cet affreux contretemps. Aussitôt, il retourna auprès de l'Américain, examina de près les contours du visage livide. Voilà donc quelle était cette ressemblance qui l'avait intriguée, et à présent qu'il la voyait, il ne pouvait nier qu'elle fût proche et peu flatteuse. Trait pour trait, le visage de l'assassin reproduisait son visage à lui, comme une réplique peut-être plus dure, mais reconnaissable, de ce Michael Lagnard qui se confrontait à lui chaque matin dans son miroir à barbe. La seule différence, pour ainsi dire, résidait dans la petite moustache en brosse qui ombrageait la lèvre supérieure de l'Américain. Après tout, il n'y avait rien de merveilleux là-dedans. Le type de Lagnard n'était pas rare, et il ne s'était jamais cru un individu exceptionnel. Avant de se relever, il vida les poches de son sosie. Mais cela ne lui profita guère. L'assassin s'était habillé pour la circonstance, dans l'idée préconçue d'échapper à l'identification en cas de malheur. Lagnard ne recueillit qu'une montre américaine à bon marché en doublé, d'un modèle fabriqué en série, un briquet, une clé banale qui pouvait aller sur n'importe quelle serrure d'hôtel, un paquet entamé de cigarettes françaises, un revolver, quelques francs en argent, bref, rien qui pût servir à l'identification. Et bien que le complet gris provint d'un bon tailleur, on avait arraché de ses poches les étiquettes de la maison. Quant au linge de l'homme et à ses sous-vêtements, il ne portait même pas une marque de blanchisseuse. Mal satisfait de cette moisson négative, Lagnard s'en retourna au lavabo, prit son blaireau, fit mousser le savon, repassa longuement un autre rasoir, tira une paire de ciseaux de son nécessaire de toilette et s'en revint auprès du meurtrier. En 2 minutes de travail rapide, il eut dépouillé de sa moustache cette figure flasque et inerte. Indubitablement, la ressemblance était à présent plus accusée. L'Américain pouvait passer aisément pour Michael Lagnard. Après quoi, ce dernier poursuivit ses préparatifs avec une hâte fébrile. Mais il n'oubliait aucun détail. En moins de 20 minutes, il eut complètement changé d'habit avec l'Américain, jusqu'aux chaussures, au col et aux cravates. Emballé dans ses propres poches, les divers objets pris dans celles de l'autre, plus la pince au Monseigneur et quelques-uns de ses effets personnels, il ne lui resta plus qu'à dire adieu à lui-même, à ce Michael Lagnard que Paris connaissait. L'homme gisant sur le sol s'était appelé jusque-là Smith Bonacé. Il servirait à présent de Lagnard Bonacé, du moins pour ce qu'en voulait faire le loup solitaire. La police, en tout cas, l'accepterait comme tel. Et si la mémoire de Michael Lagnard devait être flétrie par un lâche assassinat, il ne pouvait guère le déplorer, car ce décès par procuration vaudrait au loup solitaire une liberté plus grande que jamais. La meute n'avait pas réussi à supprimer Michael Lagnard. L'amateur de bons tableaux restait le loup solitaire, avec ses facultés intactes et une volonté plus ferme encore de poursuivre ses voies ténébreuses. Sous l'influence de ses préparatifs méthodiques, son trouble s'était apaisé notablement et revêtait l'aspect d'un désir de revanche impitoyable. Celui qui, pas une fois, dans toute son existence criminelle, n'avait même appuyé sur une gâchette pour se défendre, était prêt maintenant à révolvériser de sang-froid l'une quelconque des 3 cibles déterminées. Et quant aux séides de Popinot, s'il l'ennuyait, il les exterminerait sans remords, comme de simples rats d'égout. Il éteignit l'électricité, s'approcha vivement de la fenêtre et, soulevant le bord d'un store, regarda dans la rue. Il y fut à temps pour voir une silhouette humaine se détacher de l'ombre d'une porte d'en face, aller au bord du trottoir et agiter le bras, signal évidemment destiné à un autre guetteur posté au coin, hors du champ visuel de Lagnard. C'était là une nouvelle preuve, s'il en était besoin, que de Morbihan n'exagérait pas les dispositions de Popinot. Cette brute là-bas dans la rue, entrevue à la lueur du réverbère du coin, quand il traversa pour reprendre son poste à la porte, cette brute à la face maladive et au menton en galoche, au cache-nez crasseux entourant un cou de poulet, au veston enveloppant des épaules pendantes, au pantalon flottant sur des chevilles osseuses, c'était un homme de Popinot, et un entre mille autres ne différant que par le degré de vice. Impossible de deviner jusqu'à quel point Popinot avait encerclé la maison, de connivence avec le meurtrier de Rodi, en vue de prévenir un malheur. Mais l'aventurier se persuada que sous son apparence réelle, il lui aurait suffi d'ouvrir cette porte de derrière à l'extrémité du corridor pour sentir un couteau s'insérer entre ses côtes, fort probablement dans le dos, sous l'omoplate. Il hocha la tête d'un air sombre, se retira de la fenêtre et prit sa lampe de poche pour s'éclairer jusqu'à la porte.